Des bonbons ou un sort? L'étymologie du mot Halloween provient de l'anglais. C'est une altération de All Hallows Eve, que l'on pourrait traduire par la veille de tous les saints, ou veillée de Toussaint. On fait preuve de courage en se faisant peur et en se grimant en créature ou en monstre. On sculpte des visages démoniaques dans des citrouilles. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a bien longtemps, le navet remplaçait la citrouille. Alors, laissez-moi sortir un bon vieux navet made in France pour ce spécial... Allez, réveille-toi! Rien qu'un seul mot! Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes qui et pourquoi je suis en slip dans une cave? Alors tout ça n'a pas d'importance. Ceci est ton dernier épisode. Je vais t'observer quand tu auras fini. Je sortirai toutes les idées de ton petit crâne en suçant ton cerveau. Et je te remplacerai. Après tout, personne ne sait qui tu es. Alors après toi, monsieur Labaise. Attendez, c'est un peu dur à digérer, mais si c'est comme ça, je préférerais quand même que vous m'appeliez par mon prénom, par contre. Et c'est quoi? Oui. Mais tu veux que je t'appelle comment? Non, pas comment. Quoi? Je commence à perdre patience. Finis ton introduction ou on passe à la phase finale plus vite que prévu? Ok, alors, putain, où j'en étais? Penny Lane, Schmoll, David Bowie... Ah oui, putain! Chat noir, miroir brisé, corbeau, manoir hanté, 13, quoi la baise? Et le générique, il est où? Ah, si vous pouviez appuyer sur le petit bouton là, parce que moi j'ai les mains attachées. Merci. Non. We are in France. We speak French. Ok. C'est d'être conscient de la supériorité de la langue française. You are so French. Quoi la baisse? Connaissez-vous les Talking Heads? Qu'est-ce que c'est? Le terme en anglais désigne des spécialistes intervenant à la télévision, mais ici c'est le groupe qui nous intéresse. David Byrne au chant et à la guitare, Tina Weymouth à la basse et Chris Frantz à la batterie se rencontrent à l'école de design de Rhode Island et forment le groupe The Artistic en 1974. En 1975, ils donnent leur premier concert au CBGB à New York et prennent le nom de Talking Heads. Ils sont rejoints en 1976 par Jerry Harrison, qui assurera la guitare et les chœurs. Ils enregistrent des démos et les font passer à plusieurs maisons de disques. Il faudra attendre 1977 pour que Sire Records les signe et sort leur premier titre. Qu'est-ce que c'est ? Love Goes to Building on Fire n'a pas un succès fou, mais permet au groupe de sortir de l'anonymat. Le groupe de punk, qui sera par la suite associé au mouvement New Wave et Post-Punk, sort son premier album, Talking Heads 77, en 1977, contenant le titre du jour. Qu'est-ce que c'est ? Psycho Killer, mais on y reviendra. En 78, le groupe enregistre un nouvel album, More Songs About Buildings and Food, qui marquera le début de leur collaboration avec Brian Eno, ancien claviériste de Roxy Music, et producteur talentueux. On y retrouvera Take Me to the River, titre qui séduit tout de suite le public et permet au groupe de profiter officiellement de la lumière des projecteurs. Pendant 10 ans, les Talking Heads sortiront 6 albums, le dernier sortira en 1988. Cet album marque le début d'une pause pour le groupe, chacun vaquant à ses projets personnels. Le groupe officialise sa séparation en 1991. Ils se réunissent une première fois en 1996 sous le nom de The Head avec l'album No Talking, Just Heads. La seconde retrouvaille se fera en 2002 sous leur véritable nom, Talking Heads, pour un concert au Rock'n'Roll Hall of Fame pour l'intronisation du groupe. Sacrée consécration! Excuse-moi, je te coupe, mais tu fais pas l'autre voix? Soliloque? Bah, il est pas là. Non, continue. Tu dois le faire au montage, en fait. Vas-y, abris-toi. Talking Head a encore aujourd'hui une grande influence sur la musique actuelle, de Duran Duran en passant par les Québécois Arcade Fire jusqu'à Radiohead, qui tire son nom d'une chanson de Talking Head. Mais la chanson du groupe, qu'est-ce que c'est ? Psycho Killer est donc sorti en 1977, sur l'album Talking Head 77. C'est marrant, c'est le nom du groupe et l'année de sortie. C'est marrant. Le titre est l'un des plus vieux du groupe, puisqu'il était déjà joué avec The Artistics. On fire. Don't touch me, I'm a real life. La chanson devait être à l'origine une ballade. Finalement, ce sera une chanson rock, au rythme très insistant, avec une ligne de basse qui entrera dans les meilleures partitions de basse du rock. La chanson se découpe en deux couplets alternés par deux refrains, un pont, un dernier refrain suivi d'un outro slash solo final. Les paroles se mettent à la place d'un serial killer. Genre Norman Bates ? Le narrateur se questionne sur lui-même. C'est comme s'il avait une double personnalité et que la partie scène se questionnait sur la seconde partie. Cette schizophrénie est mise en avant par l'utilisation du français. Qu'est-ce que c'est ? Utilisé également lors du pont. Lors des couplets, notre psychopathe fait part de son cas. Il est tendu, il ne peut pas se relaxer, il n'arrive pas à dormir et refuse qu'on le touche. Il prétend faire partie de la société mais n'en comprend pas les codes. Le refrain peut s'adresser à l'auditeur de ce discours. Attention, psycho killer, tu ferais mieux de fuir. La ritournelle fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa bad. Quant à elle, est un hommage à la chanson d'Otis Redding, fa fa fa fa fa sad song. La situation ne s'arrange pas lors du pont. Le psychopathe en question parle d'une soirée avec une fille où ce dernier s'est envolé vers la gloire. Le point de vue apporté par le texte, le rythme saccadé qui martèle les tympans, la guitare criarde et ce final apocalyptique traduit la montée de la folie. Ce titre sera la marque de fabrique de Talking Heads, un groupe à mi-chemin entre le post-punk et la New Wave. Donc dans l'adaptation française, qui dit New Wave, dit Sheila. Je vois pas le rapport. La petite Annie Chancel est née le 16 août 1945 et est une fille de commerçant en confiserie. Annie aime les sucettes à l'Annie. À l'adolescence, elle chante dans un groupe de rock, les Guitars Brothers. C'est à ce moment que Claude Carrère la repère, lui fait signer son premier contrat et enregistre son premier 45 tours. Sheila. De quoi ? Le single Sheila par Sheila. Donne-moi ta main et prends la mienne. En 1963, Annie devient une vedette populaire. Son second titre, L'école est finie, s'écoulera à 1,5 million d'exemplaires. Notamment grâce à l'image de jeune fille sage dans le vent forgée par Claude Carrère. Une jolie jupe à carreaux et des couettes. Exact. Les années 60 sont fertiles pour la jeune Sheila. Elles sont marquées par des tubes comme Première surprise partie ou Vous les copains. La chanson des saucissons. Les années 70 sont fertiles pour la jeune Sheila. Elles sont marquées par des tubes comme Les Rois Mages ou Les Gondoles à Venise. Mais attends, tu l'as déjà dit ça. Mais attention, voilà la période disco de Sheila. Lancée par une reprise de Bang Bang de Cher, elle atteindra les sommets et aura un rayonnement international avec Spacer, chanson composée par Bernard Edwards et Nile Rodgers du groupe Chic. Hey, c'est le mec de Loki avec les Daft Punk. Les années 80 ne sont pas très fertiles pour la un peu moins jeune Sheila. Elles ne sont pas marquées par des tubes comme Ne la ramène pas ou La vérité qu'on nous ment. Tu vas refaire cette blague des années 90 à aujourd'hui ? Non, car c'est les années 80 qui nous intéressent. Donc juste après avoir fait du disco à l'international, Sheila veut revenir à un truc plus simple et sort Pilote sur les ondes. Qu'est-ce que c'est ? 9 chansons en 45 tours et en cassette. Seulement 6 des 9 chansons sont des compositions originales, écrites pour Sheila. Les 3 autres sont des adaptations de tubes anglophones, dont la numéro 7. Qu'est-ce que c'est ? Psychodrame, parce que psychopathe, c'est trop subversif, et tueur en série déséquilibré, c'est trop long. Elle aura attendu 3 ans avant d'offrir à la francophonie une adaptation du titre phare des Talking Heads. Le disque est produit par Claude Carrère, qui signe également la traduction. Sheila est entourée de musiciens branchés, comme le bassiste de Magma. La production est propre et honnête envers l'original, bien que la chanson ait changé de ton, peut-être pour simplifier le chant. Ou peut-être pour pas qu'on voit que ce soit une reprise. Comme le veut la tradition dans l'adaptation française, les paroles sont retravaillées pour coller à Sheila. Plus question ici que le psycho killer ce soit la narratrice, ça ne colle pas à l'image commerciale de Sheila. Par contre, ce qui ferait bien flipper, c'est qu'elle soit suivie par un psychopathe. Ça serait atroce. Donc Sheila est suivie par un homme bizarre pendant qu'elle nous fait la visite guidée du 8e arrondissement de Paris, de l'hôtel Marignan à la rue de Balzac. J'adore les chasses à l'homme dans les beaux quartiers. Sur le fond, on est assez proche de la chanson de Jane Birkin, Encore lui, écrite par Gainsbourg. Une femme qui s'aperçoit qu'un homme la suit partout, sauf que dans la chanson de Birkin, l'homme la suit jusque dans son lit, ce qui donne vraiment un côté creepy. La chanson se finit sur ce suspense, laissant l'auditeur en haleine. Mais dans la chanson de Sheila, l'homme finit par l'arrêter et lui dire qu'il est étranger, et bizarrement ça arrange tout. Après s'être interrogé pendant les refrains sur le psychodrame de cet homme et qu'il valait mieux ne pas connaître ses pensées et éventuellement prendre ses jambes à son cou, Sheila est beaucoup plus rassurée maintenant qu'elle sait que c'est un touriste. Elle finit par se dire que finalement, elle a bien fait de ne pas se sauver et que ça aurait été dommage de passer à côté de cette belle rencontre. La chanson entièrement déroulée n'a finalement pas d'intérêt, elle est vite oubliable et même un peu niaise. Le dénouement de l'histoire nous montre juste une grosse parano de Sheila. Ça y est enfin, la conclusion. Profite de tes dernières secondes. Je vais vachement profiter, attaché comme je suis. Conclu ! J'ai du boulot, moi, après. Et est-ce que tu peux appuyer sur le bouton, s'il te plaît ? Psycho Killer est une chanson spéciale, par sa musique et surtout par le thème abordé. Le point de vue utilisé est dérangeant. L'adaptation aurait pu enrichir cette chanson. Effectivement, ce qui aurait été une valeur ajoutée, c'est d'adopter le point de vue de la victime de ce tueur. La même musique, la même mélodie de chant et deux points de vue différents sur la même histoire. Avec en plus la langue française faisant le pont entre les deux chansons. La véritable différence réside aussi dans les interprètes. D'un côté, les Talking Heads, un groupe pionnier d'un nouveau mouvement, des caves underground aux plus belles scènes du monde. De l'autre, Sheila, une pop star commerciale dont la carrière est construite entièrement par un producteur à coups de publicité et de plateau télé. Deux interprètes, deux chansons, deux objectifs complètement différents. On est d'accord pour dire que ça partait d'une bonne intention, mais ça aurait pu être mieux fait. Bravo! Maintenant on s'y met! Attention derrière toi! Tu crois vraiment que je vais me laisser avoir par ce genre de con? Oh putain, t'en as mis du temps! Désolé, c'était Happy Hour. Bon, c'est pas grave. Détache-moi, file-moi mes fringues et on va s'occuper de ce mec. Une idée en particulier? Ouais, on va l'attacher et toi va chercher le best-of de Sheila. Tu fais pas dans la dentelle, toi, aujourd'hui. Non, et prends le triple best-of, s'il te plaît. Non ! Arrête cette musique ! C'est pas possible ! Non ! Pourquoi ? Comment avez-vous pu ? Mon plan était si parfait ! C'est très simple, mec. C'est moi qui écris les épisodes.